Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Guémouzo, 107 MHz, qu'on peut aussi capter sur Internet, bien sûr. Et puis, l'émission de ce soir, c'est le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, au programme de ce soir, grand con malade, tu seras un homme, mon fils. C'était comment l'école en 1900? Archives de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Très riche, ces archives-là. Faudrait qu'on les utilise davantage sur les radios, les télés, dans les journaux, etc. Ah oui. Alors, Clément Viktorovitch, faut-il lutter davantage contre les fraudeurs? De Gaulle, l'appel du 18 juin. Mathilde Panot, motion de censure de la France insoumise. Serge Faubert, retraite. La Macronie a gagné, point d'interrogation. La démocratie a perdu. 2013, chronique d'une détestation, alors qu'il était encore à Sciences Po, le petit Bendu, etc. Jean-Luc Mélenchon. Gilles Drouin interroge Annie Dupéré. Annie Dupéré, elle parle bien, hein, il faut l'écouter. Hommage à Guillaume Batz. Front populaire, printemps 1936. En principe, les robots ne sont pas programmés pour repérer le sens des chansons. Ah. Moteur sans combustion.

ma chanson a dit la vérité. Vous allez m'exécuter. Le calendrier des esclavages, eh oui, et des libérations. Que s'est-il passé le 26 juin ? Eh bien, par exemple, le 26 juin 1703, en France, un arrêt arbitraire interdit de jouer des pièces de théâtre en entier. On ne représentera que des scènes détachées, liées entre elles et comportant une intrigue menée à sa fin. Tiens, bon. 1848, France. Les derniers insurgés de Paris sont battus. On compte 1500 morts. Il y aura 11 000 arrestations et 4 000 déportations en Algérie. Elle était belle la France en 1848, déjà, hein? Ah oui. 1869, France, à Lyon. Les ovalistes grévistes s'organisent. Une caisse de secours est mise sur pied. 1911, France. Le ministre de l'Agriculture adopte un projet de loi contre la fraude sur le vin, mais il ne sera ratifié qu'en 1919, ouais, 8 ans plus tard. Oh. 1915, Arménien, Turquie, l'ordre de déportation des Arméniens est affiché dans les rues de Trébizonde, au bord de la mer Noire. Premièrement, tous les Arméniens, à l'exception des malades, sont forcés de partir dans un délai de 5 jours. Deuxièmement, leur exil n'étant que temporaire, il aurait défendu de vendre leurs biens. Troisièmement, des logements convenables sont prévus sur les routes afin d'assurer leur confort. Les témoignages recueillis dans la suite prouveront le contraire. Cinquièmement, ceux qui céderont à la déportation, les personnes qui auront été abritées, seront traduits devant une cour martiale. 1920, Espagne, début de la grève de Rio Tinto. 1922, France, les minoritaires de la CGT, réunis à Saint-Étienne, constituent une nouvelle centrale syndicale, la CGT, CGTU, c'est-à-dire CGT unifiée, qui adhérera à la nouvelle internationale syndicale rouge. L'unité sera retrouvée à Toulouse en 1936. 1945, ONU. La charte des Nations Unies est signée par 50 États. 1950, Yougoslavie. Le système d'autogestion est adopté. Oui, l'ONU. Si l'ONU jouait son rôle dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, hein? Ben oui, on arrêterait de faire des morts. L'humanité deviendrait enfin humaine, hein? 1950, Yougoslavie, le système d'autogestion est adopté. 1955, Afrique du Sud, le Congrès des démocrates, ANC, African National Congress, et le SECTU, South African Congress of Trade Union, adoptent la Charte de la Liberté en vue d'établir une république démocratique et sociale. Une république démocratique et sociale. Un vaste mouvement de libération nationale, une lutte contre les lois de l'apartheid. En 1955, République démocratique et sociale. Vous vous rendez compte? Ils étaient en avance, les Africains du Sud. 1970, Tchécoslovaquie. Alexandre Dubček, le dernier leader du printemps de Prague, est exclu du Parti communiste. 1975, Inde. Proclamation de l'état d'urgence par Indira Gandhi. 1979, France. Création de la coopérative artisanale des LIP. 1980, Salvador. Les forces armées envahissent l'université, véritable forteresse révolutionnaire. 1981, Iran. Amnesty International déclare que depuis la prise du pouvoir par Khomeini, 1600 personnes ont été exécutées. 1600 personnes ont été exécutées. Et d'où venait-il, Khomeini, quand il est rentré en Iran? Ben, il venait de France. Oui. Auvers-sur-Oise. Oui. Oh, mais, voilà.

les foutriquets, les jésuites, les cagots, petits esprits. Vive les cupénis, ma mère, vive les cupénis. Vive les cupénis, ma mère, vive les cupénis. Ils lui ont fait des vacheries et des emmerdements, et lui feront des avenirs jusqu'à ce qu'elle foute son camp. Vive les cupénis, ma mère, vive les cupénis. Vive les cupénis, ma mère, vive les cupénis. Morale. Il faut se mettre à la colle, beaucoup de curés le font, pour garder dans son école sa considération. Vive les cupénis, ma mère, vive les cupénis. Vive les cupénis, ma mère, vive les cupénis. Entre les lignes, comme tous les dimanches avec vous, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, voilà, on analyse, on décrypte un débat d'actualité. Vous nous livrez votre regard sur ce dernier aujourd'hui. Un débat qu'on a vu ressurgir cette semaine. Faut-il lutter davantage contre les personnes qui fraudent les prestations sociales ? Oui, tout est parti d'une petite phrase et les choses se sont emballées. La petite phrase, c'est celle prononcée par Emmanuel Macron lundi dernier, au détour de son allocution présidentielle. Il veut, je cite, « lutter contre toutes les fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales ». Alors, nous reviendrons sur cette distinction tout à l'heure, mais pour l'instant, ça n'est pas le plus important. Parce que, dès le lendemain, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a choisi d'insister, lui, sur une situation bien spécifique. Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes, c'est le contribuable qu'ils payent, c'est l'entrepreneur. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, leur envoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social. Il faudrait donc lutter contre un type de fraude en particulier, la fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire le RSA, les aides au logement, le minimum vieillesse, etc. Et surtout, il faudrait éviter que cet argent ne parte au Maghreb. Je vous confesse qu'à titre personnel, cela me chiffonne. Quand vous dites ça me chiffonne, vous voulez dire que c'est pas vraiment un problème ? Ben si, si, pour le coup, c'est un véritable problème. Vous savez, la fraude aux prestations sociales, elle ne fait pas que peser sur nos finances publiques. Elle menace surtout la confiance que nous plaçons en notre système de protection sociale. La sécurité sociale, il faut le répéter, c'est un bien commun. Un bien commun inscrit dans notre constitution. Je cite, « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Quand certains fraudent, c'est toute la légitimité de ce trésor national qui s'en trouve abîmé. » Donc si vous êtes d'accord sur ce point précis-là, qu'est-ce qui vous chiffonnait ? Eh bien c'est simple, c'est que c'est une chose de lutter contre un problème véritable. C'en est une autre d'en faire une priorité. Le choix des priorités, il est toujours politique. Et à ce titre, il peut être interrogé. Alors interrogeons-le. La fraude sociale dont parle Bruno Le Maire, c'est en fait la fraude aux allocations. Elle est estimée à 2,3 milliards d'euros par an, chiffre officiel de la CNAF. Vous allez me dire, c'est beaucoup, j'en conviens. Mais c'est beaucoup moins que la fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire le travail dissimulé par les entreprises. D'après l'URSSAF, elle coûterait 7 à 8 milliards d'euros chaque année à l'État, au moins 3 fois plus que la fraude aux allocations. Et pourtant, vous n'avez pas entendu Bruno Le Maire en parler, pas plus d'ailleurs que de la fraude fiscale. D'après l'évaluation du syndicat solidaire Finances Publiques, une évaluation largement acceptée, elle coûterait chaque année 80 à 100 milliards d'euros, 35 à 40 fois plus que la fraude aux allocations, du fait principalement des grandes entreprises et des grandes fortunes. Il s'agit pourtant de graves entorses à la solidarité nationale, dans des proportions qui n'ont absolument rien à voir avec la fraude aux allocations. Tout ça, c'est pas nouveau. On a déjà entendu ces débats, comme vous le dites, il ressurgit aujourd'hui. C'est tout simplement de la politique. Oui, c'est vrai, c'est pas nouveau. D'ailleurs, cette question, elle a été bien étudiée par la recherche en sciences politiques, notamment par Vincent Dubois et Marion Liotto. Ce qu'ils montrent, c'est que la focalisation politique sur le terme des fraudeurs sociaux a été multipliée par 10 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, alors même que le problème, lui, ne s'était pas particulièrement aggravé. C'était une pure instrumentalisation, dans le seul but de créer une image, l'image d'un gouvernement qui était sérieux et responsable. aujourd'hui. Emmanuel Macron utilise la même ficelle avec un objectif qui me paraît évident dans le contexte dans lequel nous nous situons, détourner l'attention des travailleurs de la réforme des retraites. Mais à chaque fois, cela se fait au détriment des personnes les plus vulnérables sur lesquelles sont jetés le doute et la suspicion alors qu'elles devraient avant tout recueillir notre solidarité. Et dans cette prise de parole récente de Bruno Le Maire, ce qui a suscité la polémique, c'est aussi qu'il cite directement le Maghreb. Vous n'avez pas encore évoqué ce point-là. C'est vrai, Jules, j'ai laissé le pire pour la fin. Déjà, précisons qu'il n'y a aucun chiffre officiel. L'une des rares choses que nous savons, c'est qu'en 2012 et 2016, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a réalisé une grande opération de contrôle sur les pensions de retraite perçues en Algérie. Résultat, très peu de cas de fraude détectés, à tel point que l'opération a été abandonnée. Elle coûtait plus cher qu'elle ne rapportait. Mais surtout, faisons le bilan. Dans l'océan des fraudes, Bruno Le Maire choisit de ne parler que des fraudes aux allocations sociales. Parmi les fraudes aux allocations sociales, il se concentre sur celles qui sont liées à l'étranger. Parmi celles qui sont liées à l'étranger, il n'évoque que le Maghreb, alors même qu'il n'a aucune donnée et que cela ne constitue qu'une partie d'un fragment, d'une fraction du problème. Stigmatiser, sans argument, une partie de la population sur le seul fondement de son origine, c'est la définition même d'un stéréotype raciste. Le regard de Clément Viktorovitch sur l'actualité, votre lecture entre les lignes, Clément, tous les dimanches sur France Info. Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique, dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique, attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit

prêchera au grand soleil sur les routes. Sifflez compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Légitimité parlementaire ni légitimité populaire. En Macronie, l'Assemblée nationale est piétinée, l'initiative parlementaire et le droit d'amendement bafoués. En Macronie, les citoyens, l'intersyndicale, les associations, les représentants du peuple ne comptent pour rien. Seuls valent les caprices du président auxquels la nation tout entière doit se plier. En Macronie, on n'hésite pas à salir le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, pour protéger son camp. En Macronie, la démocratie est un luxe dont nous devrions nous passer. Sommes-nous encore en démocratie en Macronie? Quand celles et ceux qui manifestent sont arrêtés arbitrairement et réprimés sous les rappels à l'ordre du rapporteur spécial aux libertés de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de la Commission nationale consultative des droits humains, de la LDH, de la Défenseur des droits ou encore d'Amnesty International. Quand le droit de grève est attaqué par des réquisitions massives, quand les représentants du peuple sont empêchés de voter contre la retraite à 64 ans, article 47.1, 44.2, 44.3, 49.3, 40 de la Constitution, jamais autant d'outils antidémocratiques n'avaient été mobilisés en même temps dans l'histoire de la Ve République. Quand la séparation des pouvoirs n'est plus feinte, des ministres s'arrogent tranquillement le droit de décider ce que l'Assemblée nationale pourrait ou non voter. D'autres font pression sur des parlementaires pour leur faire changer leur vote, jusqu'à avoir l'indécence de mettre en jeu l'existence d'une maternité. Sommes-nous encore en démocratie, en Macronie? Madame la Première ministre, vous avez bouché toutes les issues démocratiques. Vous ne vous rendez même plus compte des seuils que vous franchissez. Gouvernez. C'est assumer une responsabilité devant l'histoire. Avec vos méthodes, vous ouvrez la porte du pire. Le bras de fer d'Emmanuel Macron contre le peuple de France est tout le contraire de la démocratie. Dans son contrat social, Rousseau écrivait que la puissance législative appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle et ce n'est point une loi. Sommes-nous encore en démocratie, en Macronie? En tout cas, il semblerait que nous ne soyons plus en République, car la République est avant tout sociale, et jamais aucun gouvernement avant vous n'avait autant méprisé l'existence humaine. Votre monde est devenu un océan de malheur. 6 ans d'Emmanuel Macron, c'est 11 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté dans la 7e puissance économique au monde. C'est la faim qui disloque le pays. 1 Français sur 6 se prive d'un repas par jour. La vie chère étrangle les Français. C'est 12 millions de personnes qui souffrent de la crise du logement. C'est un nombre de personnes sans domicile fixe qui a doublé en 10 ans. La France connaît, d'après l'INSEE, un coup de frein sur les gains d'espérance de vie que le Covid ne suffit pas à expliquer. Les ouvriers ont toujours 6 années d'espérance de vie de moins que les cadres. La France est la triste championne de l'hécatombe en Europe, avec 2 salariés qui meurent chaque jour du travail. Mais vous refusez toujours d'augmenter les salaires, de bloquer les prix à la baisse, de geler les loyers. Non, d'ailleurs, vous préférez les augmenter. Et avec votre réforme, 15 000 personnes mourront avant leur retraite et ne verront donc pas un jour de leur droit au repos. Où est la République sociale quand la seule fraternité que vous éprouvez est à l'endroit des riches? Vos amis les riches pour qui vous avez transformé notre pays ont un véritable paradis fiscal. 2%, c'est ce que paient en impôts sur le revenu les 370 plus grosses fortunes de notre pays contre 50% pour les classes moyennes et populaires. Chaque année et cette année encore, les entreprises du CAC 40 battent des records de versement de dividendes aux actionnaires. Mais les Français devraient travailler 2 ans de plus pour payer les pots cassés de vos cadeaux aux plus fortunés. Sommes-nous encore en démocratie, en Macronie? En tout cas, en République, non, car la République est un régime de liberté. Le droit à la vie privée, à la sûreté, la liberté d'expression, de manifestation, de presse ne sont pas des accessoires. Elles garantissent que les femmes et les hommes de notre pays ne sont pas seulement des consommateurs ou des producteurs, mais bien des citoyens. 9 lois liberticides en 6 ans, des attaques contre le droit de grève, les libertés associatives, le droit de manifester. Partout où des citoyens se mobilisent pour une cause sociale, pour la survie du seul écosystème compatible avec la vie humaine, pour notre avenir, vous voyez des ennemis irréductibles. Vous ne tolérez pas la manifestation d'une opposition dans la rue ou dans l'Assemblée. Sinon, nous aurions voté jeudi dernier l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Vous vous rassurez en vous disant que c'est de la NUPES, des gilets jaunes, des militants écologistes, des militants associatifs que vous protégez la démocratie et la République. Vous répétez à l'envi que vous protégez les institutions. En réalité, vous les détournez pour servir les intérêts de l'argent. Il est grand temps que vienne le temps de la 6e République qui donne toute sa place à l'intervention citoyenne et à la majorité sociale du pays. Mais nous avons bien compris, Madame la Première Ministre, le danger pour vous, c'est les insoumis. Surtout pas l'extrême droite, car vous utilisez leurs mots, vous votez pour elles aux fonctions importantes, vous votez avec elles contre la hausse du SMIC, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ou contre le gel des loyers. Vous reprenez ces obsessions pour la faire monter. Vous fermez les yeux sur des ratonnades, des défilés fascistes et des appels au meurtre. L'extrême droite est votre assurance vie. Madame la Première Ministre, préférez pointer la NUPES qui combat l'extrême droite, mais laissez votre ministre de l'Intérieur expliquer à Le Pen qu'elle est trop molle, ou le président de la République réhabilité Pétain. Voici le vrai danger pour notre République. Madame la Première Ministre, la République n'est rien sans son peuple. Vous aurez beau clamer la défendre, en réalité, vous ne tolérez que des citoyens silencieux et passifs. Vous n'aimez la démocratie que lorsqu'elle convient aux intérêts que vous défendez. Dites ce que vous voulez, mais ne prétendez pas être des démocrates. Collègues, la démocratie n'est pas stable par essence. C'est un processus qui se construit tous les jours, par lequel les conflits se résolvent. Avec votre obstination sur les retraites, vous vous maintenez en état d'hostilité vis-à-vis du pays, sourd à la détermination des Français à vous faire entendre l'injustice terrible que vous faites subir aux travailleurs et travailleuses. Il n'y a pas, contrairement à ce que vous pensez, de différence de nature entre la démocratie et l'autoritarisme. Il n'existe entre eux qu'une différence de degré. Madame la Première Ministre, ne pensez pas un instant sortir victorieux de cette guerre d'usure. Les Républicains vont sûrement aujourd'hui, encore une fois, vous sauver, Madame la Première Ministre, mais ce n'est que partie remise. Tôt ou tard, vous tomberez car la colère a dépassé la question des retraites. C'est toute votre politique et votre monde que le peuple de France rejette. Comme les Gilets jaunes avant elle, l'immense majorité sociale du pays pose la question de savoir qui décide. Madame la Première Ministre, allez dire à l'Élysée que le seul souverain que nous reconnaissons est le peuple et que nous n'avons ni roi ni maître. Madame la Première Ministre, ne pensez pas sortir victorieux de cette guerre d'usure. Déjà 86% des Français ne veulent plus de cette 5e République. Nous sommes les partisans d'une 6e République qui permette au peuple de se réapproprier sa souveraineté et de conquérir de nouveaux droits. Si le référendum d'initiative citoyenne existait dans ce pays pour proposer ou abroger des lois, alors nous pourrions sortir par le haut de l'impasse dans laquelle nous a mis Emmanuel Macron. Nous, parlementaires de la NUPES, en faisons le serment. Nous n'arrêterons jamais de lutter contre la retraite à 64 ans et pour le droit à la retraite à 60 ans. Nous agirons sans relâche, par tous les moyens à notre disposition, pour rassembler la majorité qui mettra fin à cette réforme injuste et injustifiée. Vous ne viendrez pas à bout de nous, car nul ne peut interdire durablement à un peuple libre de faire entendre sa volonté. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres, écrivait Étienne de la Boétie. Le peuple, immaîtrisable et fier de sa liberté, le peuple qui se lève, voici le vrai visage de la République. Votez cette motion de censure, collègues, comme un sursaut de dignité de notre Parlement contre la volonté présidentielle d'en limiter durablement les droits. Tabassé à mort par amour, paraît que c'est courant de nos jours. Le métier d'épouse n'est pas sûr quand on est la femme d'un vrai dur. Mais celle qu'il appelle sa traînée d'infidélité soupçonnée a pourtant aimé ce débris qui la frappe à bras raccourcis. Oui, c'est à toutes les femmes battues qui jusqu'à présent se sont tues, frappées à mort par un sale con, que je dédie cette chanson. Au commissariat du quartier, la femme tu méfiais et l'époux sont debout devant le brigadier qui soupire et dit encore vous. Votre mari présent, chère madame, prétend que vous l'avez bien cherché. Pourquoi faire alors tout un drame? Vous n'êtes pas tellement amoché. Oui, c'est à toutes les femmes battues qui jusqu'à présent se sont tues, frappées à mort par un sale con, que je dédie cette chanson. Il prétend que vous êtes économe du tissu qui cache vos rondeurs. En vous corrigeant, c'est en somme qu'il apaise un peu sa rancœur. Rentrez tous les deux, vous couchez, ça va se régler sur l'oreiller. Les voisins ne vont pas protester en devinant pourquoi vous criez. Oui, c'est à toutes les femmes battues qui jusqu'à présent se sont tues, frappées à mort par un sale con, que je dédie cette chanson. Tant que les voies de fête sont bénignes, des blessures ouvertes ou des bleus, pour nous policiers la consigne, c'est de ne pas sévir pour si peu. S'il vous étouffait sous la couette, s'il vous étranglait de ses mains, nous pourrions ouvrir une enquête, vous ne seriez pas morte pour rien. Oui, c'est à toutes les femmes battues qui jusqu'à présent se sont tues, frappées à mort par un sale con, que je dédie cette chanson. C'est une faute politique grave. Vous avez l'irrecevabilité sélective et partisane. Jean-Luc Mélenchon cherchait son hologramme. Il a un nom, c'est Charles de Courson. Mais vous êtes devenu complètement fou. Vous avez peur du vote, oui c'est vrai. Mais parce qu'en réalité vous avez peur du peuple. Lamentable, du manque de respect dont font preuve les députés de la NUPES. Aucun souci, mais je vous remercie de respecter les usages et la bienséance. Avec une espèce de bataille de chiffonniers. C'est pas joli de faire ça. Comment la présidente de l'Assemblée nationale a piétiné les oppositions pour empêcher qu'elle ne vote l'abrogation du départ à 64 ans? C'est le sommaire du numéro 43 du Bourbon de Serge. Avec Yaël Braun-Pivet, l'histoire tourne à la répétition. En 2018, celle qui n'était encore que la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale avait sabordé la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Pour complaire à Emmanuel Macron, bien sûr. Devenue présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet continue d'être la voix de son maître. En quelques heures, mercredi soir, elle a déclaré irrecevable près de 1500 amendements déposés par l'opposition sur la proposition de loi abrogeant le départ en retraite à 64 ans. au motif que la plupart généraient une charge pour l'État. Mais la présidente a poussé le zèle jusqu'à tout supprimer. L'Attila du perchoir. Je regrette de manière très forte que hier la présidente de l'Assemblée ait cru bon à la fois se passer de mon avis, ce qui est une première, et deuxièmement que non seulement elle ait empêché le rétablissement, comme ça a été toujours le cas dans la Ve République, d'un texte initial qui avait été jugé recevable, mais même ajouter à cela de censurer absolument tous les amendements, même ceux qui n'avaient aucun impact financier et qui traditionnellement sont déclarés recevables, les amendements dits d'objectifs, qui permettent à l'Assemblée d'envoyer un signal à défaut d'abroger la loi. Un amendement d'objectif, c'est en quelque sorte la version législative du vœu pieux. Il n'engage à rien financièrement ou administrativement. Il indique simplement une intention. C'est le cas par exemple de l'amendement 106. Il déclarait que la nation se fixe pour objectif à l'horizon 2024 le rétablissement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 62 ans. Eh bien, même ça, Yael Braun-Pivet n'en a pas voulu. Pas question de prendre le risque qu'une majorité de députés vote cet amendement qui, répétons-le, n'a qu'une portée symbolique. Mais c'est surtout la partialité de la présidente qui a indigné les députés des oppositions. Jeudi, en séance, ces derniers sont longuement revenus sur la suppression de l'article 1 de la proposition de loi Liotte, le fameux article qui abrogeait le départ à 64 ans. Vous avez déclaré irrecevable au titre de l'article 40 un amendement qui visait à rétablir un article initial d'une proposition de loi. Il y a deux semaines de cela, nous avons débattu dans cet hémicycle d'une proposition de la majorité qui visait notamment à faire porter au fronton de toutes les mairies un drapeau européen. Ceci représente, chers collègues, une charge pour les finances publiques. L'amendement de rétablissement que la majorité a déposé, qui crée donc une charge, vous l'avez déclaré recevable. Force est de constater, Madame la Présidente, que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Force est de constater, avec tristesse, avec gravité, Madame, que vous avez l'irrecevabilité sélective et partisane. Pour le rapporteur de la proposition de loi, Charles de Courson, ce mépris assumé de la représentation nationale détourne les Français de leurs institutions. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une présidente de l'Assemblée nationale écarte des amendements reprenant une disposition déclarée deux fois recevable, une première fois par le bureau de l'Assemblée nationale lors du dépôt et une seconde fois par le président de la Commission des finances. C'est une faute politique grave. De cet abaissement du Parlement ne peut ressortir que désintérêt pour nos institutions et, dans le pire des cas, colère et violence. Dans le camp d'en face, on affichait moins de hauteur dans le propos. Monsieur le rapporteur, je crains en réalité que vous vous soyez trompé de combat et surtout trompé d'allié. En cédant au Front National comme à la France Insoumise, devenus conjointement des ventriloques à votre dépens, vous prenez pour un exercice de sauvetage ce qui n'est en réalité qu'une opération de communication mal fagotée. Jean-Luc Mélenchon cherchait son hologramme pendant la campagne présidentielle. Il a un visage, il a un nom, c'est Charles de Courson. Cet argument de la manipulation mélenchoniste a été réfuté par Bertrand Pancher, le président du groupe Liotte. Président qui, pour l'occasion, a révélé des talents d'orateur qu'on ne lui connaissait pas. Voilà pourquoi nous avons déposé cette proposition de loi, pour dire à nos concitoyens qui ne croient plus en leurs représentants qu'il existe encore des élus qui veulent exercer leur mandat, des élus pour faire leur travail et porter la voix du peuple. Vous nous avez empêchés de voter. Vous avez osé le faire, mais vous êtes devenu complètement fou. Marine Le Pen n'avait plus qu'à enfoncer le clou. Vous ne voulez pas qu'on vote. Vous nous en avez empêché avec le 49-3. Vous nous en empêchez aujourd'hui avec l'article 40. Et parce que vous savez que vous n'avez pas de majorité sur ce texte. Vous n'avez pas de majorité sur ce texte, ni dans cette assemblée, ni dans le peuple français. Vous avez peur du vote, oui c'est vrai. Mais parce qu'en réalité, vous avez peur du peuple. Pour bâillonner les oppositions, la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas hésité à piétiner une tradition parlementaire ininterrompue depuis 1958. Mais soyons justes. Lorsqu'il s'agit de sa fonction, Yael Braun-Pivet sait se montrer respectueuse à l'excès de la tradition. Pour manifester leur réprobation, après la purge des amendements, les députés de la NUPES ont refusé de se lever lorsque Yael Braun-Pivet a pris place dans son fauteuil de présidente. Il s'est naturellement trouvé un flagorneur pour s'en indigner. En la circonstance, le président du groupe Horizon, Laurent Marcangeli, député de Corse du Sud. Madame la Présidente, j'ai été assez choqué de voir tout à l'heure que, je ne sais pas si c'est un fait unique, que l'ensemble de l'hémicycle ne s'est pas levé lorsque vous êtes pénétré dans l'hémicycle. Quand on siège dans une institution, on en respecte les usages. Encore une fois aujourd'hui, nous avons eu une démonstration lamentable, du manque de respect dont font preuve les députés de la NUPES vis-à-vis des coutumes de ce Parlement. Madame la Présidente, la Constitution, rien que la Constitution, le règlement, rien que le règlement. Comme on dit à Matignon, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Écoutez la réponse pour le moins téléphonée de Yaël Braun-Pivet. Je n'arriverai pas à dire mieux que vous, le règlement, rien que le règlement, la Constitution, rien que la Constitution. C'est mon rôle et j'aurais bien aimé que chacun dans cet hémicycle en fasse de même, en fasse de même. On aurait aimé surtout que la Constitution fasse l'objet d'un respect aussi pointilleux que celui accordé à l'étiquette. Mais apparemment, Yaël Braun-Pivet est davantage préoccupé par les questions de protocole. À preuve, cet incident qui a opposé la présidente de l'Assemblée à la députée Clémentine Autain. C'est avec une gravité inhabituelle, une inquiétude et une colère. Mesdames les députées, il est d'usage dans cet hémicycle de saluer la présidence et le ministre avant d'intervenir. C'est un usage, comme il en existe d'autres. On vous décompte le temps sans aucun souci, mais je vous remercie de respecter les usages et la bienséance. L'essentiel, c'est donc de rester entre jambes bien élevées, le petit doigt levé en prenant sa tasse de thé. Moyennant quoi, on peut s'abandonner à toutes les indécences, comme dans cette intervention d'Aurore Berger après l'annonce du crime d'Annecy. Le propos est aussi polissé que racoleur. On a envie de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays quand des enfants sont pris pour cible. Cette prise de parole a choqué Alexis Corbière. Je considère que quand la présidente du groupe d'opposition en profite pour essayer de flétrir le combat que nous menions tout à l'heure pour la démocratie, ça lui rend pas honneur. On doit quand même ne pas chercher à instrumentaliser ça pour essayer de faire taire l'opposition. C'est pas joli de faire ça. La suppression des amendements de l'opposition a eu pour conséquence de vider la proposition de loi du groupe Liotte de sa raison d'être. En fin de matinée, Bertrand Panchère en prenait acte. Il ne reste plus rien, vous l'avez compris, dans le texte que nous avons prononcé, présenté, sauf évidemment les amendements de la minorité présidentielle. Le Parlement sort considérablement affaibli de cet épisode et par conséquent, en responsabilité, nous avons décidé de retirer notre texte, autant qu'il ne reste plus que l'article 2, la conférence sociale, alors que les grandes organisations syndicales ont elles-mêmes expliqué que tout ça n'avait pas de sens si on ne relançait pas un débat jusqu'au début. De son côté, l'intergroupe de la NUPES faisait le serment d'agir sans relâche pour rassembler une majorité qui mette fin à la réforme. Lorsque on considère l'Assemblée nationale et le Parlement comme un paillasson, c'est sur le peuple qu'on s'essuie les pieds. Ça, nous ne l'acceptons pas. Nous avons été élus, au contraire, pour défendre la dignité populaire. Et c'est ce que nous nous emploierons à faire. C'est le serment que nous faisons ensemble aujourd'hui. Défendre le droit à la retraite. Défendre également la démocratie et sans doute que ça nécessite des changements institutionnels pour que la République soit vraiment une République démocratique et sociale. Rédigée dans un double contexte de guerre civile et de guerre étrangère, la Constitution a été taillée pour donner tous les pouvoirs à un seul homme, le général de Gaulle. Elle est aujourd'hui le carcan du parlementarisme renaissant. Quelle que soit l'étiquette politique, il faut s'y résoudre. On ne surmontera la crise démocratique qu'en changeant de république. Merci d'avoir regardé cette chronique. En la partageant largement, vous nous donnerez un sérieux coup de main. Et puisqu'on parle demain, n'oubliez pas de mettre un pouce. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Un clic sur la cloche et vous ne raterez aucun de nos contenus. Pour nous soutenir financièrement, c'est sur Donorbox que ça se passe. En nous versant quelques euros, vous permettez à ceux pour qui c'est plus difficile de continuer à s'informer. En toute indépendance. Sur ce, je vous dis à lundi pour Pôle Express. monsieur le président. Je prends la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian et Renaud après lui. J'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue. Quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus, monsieur le président. Seriez-vous dur d'oreille pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir, monsieur le président. Je ne viens pas en guerre, déserteur également, mais surtout en colère, quand fleurit l'injustice, les propos indécents, quand on voit la police cogner des innocents. Monsieur le président, refusez-vous de voir ceux qui vous ont un temps choisi dans l'isoloir. C'est l'infirmière de garde qui ne compte plus ses pleurs chaque nuit quand elle regarde l'hôpital qui se meurt, monsieur le président. Admirez les banderoles aux bras des enseignants qui se saignent à l'école. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un gamin qui apprend, qui monte sur l'escabeau pour devenir plus grand, monsieur le président? Si j'ose ces quelques vers, peut-être impertinents, c'est qu'on marche de travers. Oubliez l'arrogance au fond de votre planque. On ne dirige pas la France comme on dirige une banque. Monsieur le président, remarquez ceux qui plongent. Ouvriers, artisans, tour à tour jettent l'éponge. Et les rires en pagaille, ils ne résonnent plus. Quand une usine se taille, quand un père s'est pendu, monsieur le président, notre belle maison brûle. Il est fini le temps des magouilles, des calculs. Admirez nos montagnes, l'océan, les oiseaux. Il est temps que l'on soigne la terre de nos marmots. Monsieur le président, et sauf votre respect, vous offensez grandement votre poste au sommet. Faut être à la hauteur du berceau des lumières, des poètes, des auteurs, des femmes qui se libèrent. Monsieur le président, tout en haut de l'échelle, je vous l'accorde pourtant, la vue doit être belle. Mais descendez d'un cran et mesurez la peine de millions de braves gens que vos lois ne comprennent. Monsieur le président, passez-moi les menottes, faites-moi taire sur le champ, interrogez mes potes. Je ne fais que chanter la résistance, la vie, l'amour, la liberté que le monde nous envie. Monsieur le président, peut-être m'avez-vous lu, vous n'avez guère le temps, et d'ailleurs moi non plus. J'ai le cœur à combattre l'absurdité humaine, armé d'une feuille à quatre, alors à une prochaine. C'est plus facile d'être dans l'opposition non, que dans une systématique. Ça, c'est ce qu'on dit, ça, c'est ce que disent les petits prétentieux, les petits bourgeois au pouvoir qui ne font rien. Peut-être l'exercice du pouvoir serait plus pragmatique. Que quoi? Bah, que d'une opposition idéologique aujourd'hui. Ah. Parce que vous pensez, ce que je raconte est idéologique. Donc vous pensez que face aux capitalistes et à la finance internationale... Je pose des questions, moi j'ai pas d'avis. Non, vous avez un avis, vous exprimez un avis. Vous venez de dire, écoutez, vous êtes typiquement un étudiant de Sciences Po, le crâne bourré d'idées libérales. Écoutez-moi, taisez-vous 5 minutes. On arrive au pouvoir et on devient pragmatique. On vous a appris ça, on vous a bourré ça dans votre petite tête. Non, quand on arrive au pouvoir, je vais vous expliquer ce qui se passe. On doit exercer le pouvoir. Donc... le jour où moi je serai au pouvoir, j'affronterai concrètement la finance. Et vous serez stupéfait. Réfléchissez, faites marcher là-dedans, sous le truc lavable. Vous avez un truc qui n'est pas lavable, ça s'appelle le cerveau. Nous avons une activité constante dans l'histoire. Former, conscientiser. Ça, c'est tous les jours. Par exemple, les campagnes électorales, beaucoup de gens s'intéressent à la politique. À ce moment-là, le système médiatique fait tout ce qu'il peut pour faire obstacle. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe? Parce que c'est vrai qu'on voit que vous ne les aimez pas, vous tapez un peu dessus, mais de l'autre... Non, je tape beaucoup dessus. Mais de l'autre, vous avez ce côté bête de scène, ils vous adorent, vous faites de l'audience. Oui. Et vous vous en servez, paradoxalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que et c'est... alors, quelle est la question? Bah, est-ce que c'est pas un peu craché dans la soupe? Ah, parce que c'est une soupe pour vous. Je ne m'étonne pas de vous. Vous comprenez l'expression? Non. Vous comprenez Allez-y. Pas. Quelle est la soupe? Qu'est-ce que je mange, moi, là-dedans? Racontez-moi, monsieur. Vous contribuez au système médiatique qui vous aime et qui vous invite. Voilà. Donc, je ne devrais pas y aller. Mais c'est pas ce que je dis. Attendez, je vous pose la question. Je ne devrais pas y aller. Moi, je suis un ennemi du système médiatique. Écoutez-moi. Le système médiatique est la deuxième peau du système. J'utilise toutes ces contradictions pour jouer contre lui. Il m'utilise, je l'utilise. Je ne m'en cache même pas. Je lui dis à la télévision, vous me manipulez, je vous manipule. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes un petit bourgeois hédoniste, comme tous les gens de votre j'ai non, mais écoutez-moi, oui, j'essaye de vous rectifier, de vous aider à réfléchir. Je vous remercie. Oui, bah, bien sûr, vous pouvez me remercier, je suis votre aîné, je vous apprends quelque chose. Je vous demande de comprendre que la vie n'est pas une mascarade sur une scène.

Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Et elle en remet une couche lorsqu'elle évoque le sort des soignants suspendus, toujours pas réintégrés. À quoi ça rime, sauf être le caprice d'un souverain qui a envie de les emmerder. Ah, d'accord. Vous savez ce que ce succès m'a apporté ? Ça m'a pas rendu millionnaire. Ça m'a pas guéri. Ça m'a juste rendu fier. Et ça m'a apporté quelque chose de vital. Chaque combat que j'ai mené dans la vie, je l'ai vu comme une finalité. Or, la plus grande difficulté de ma vie, c'était pas de survivre. C'était pas de m'accepter, c'était pas de réussir dans ce métier, non. C'était tout simplement de m'aimer. Et vous savez, ce qui est le plus beau, c'est que ce nouveau combat mené, je n'ai même pas eu l'impression de le mener. C'est ça qui est fort. Dans la vie, c'est comme ça. Parfois, on traverse des périodes très difficiles où on a des problèmes de santé, d'argent, de famille, de cœur. Et parfois, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. On ne voit pas le bout du tunnel. Et si on est plus fragile que d'autres, on pense même au pire. On a envie que tout ça s'arrête. On a envie d'en finir. J'aimerais que dans ces moments-là, vous puissiez imaginer devant vous une boîte vide dans laquelle vous puissiez mettre toutes ces choses qui vous font du mal, qui vous nuisent, qui vous abîment, qui vous détruisent. Fermez cette boîte et oubliez-la à tout jamais. Alors j'allais me dire, t'es marrant Guillaume, tout ça c'est des mots, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais. Mais si vous y arrivez, concentrez-vous uniquement sur les choses positives de la vie. Ça peut être n'importe quoi, un goût, un souvenir, un parfum, un événement. Peu importe ce qui vous fait du bien. Mais j'aimerais juste qu'à cet instant, vous puissiez vous poser une seule question. Finalement, elle n'est pas belle la vie ? Alors je le dis haut et fort, soyez fiers de qui vous êtes. Et même si on me traite de prétentieux, ce que je suis certainement, je n'ai pas honte de dire que je suis fier de moi. Je suis fier de mon parcours, fier des gens qui m'entourent, fier d'avoir fait ce choix d'avancer coûte que coûte, malgré mes soucis de santé et familiaux, fier de ne pas avoir écouté ces gens qui me disaient et me faisaient comprendre que ce métier n'était pas fait pour moi. Soyez les seuls à choisir qui vous voulez être, ce que vous souhaitez réaliser dans la vie. Et si vous échouez, relevez-vous. Je suis fier de ne plus me dire que si les choses ne vont pas comme je veux, c'est parce que je suis handicapé. Non. Et enfin, je suis fier de faire ce métier si passionnant, qui ne cesse de m'offrir des émotions incroyables. Et je suis fier et heureux d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir pu vous livrer mon histoire. Merci beaucoup. Il y a 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on noie une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pithecanthropus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud lapin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un petit os ou d'une prémolaire, comprirent que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Calipige au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était voilà maintenant, bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, y a plus de retombées. Mais que s'est-il passé au printemps 1936? Le pays traverse une crise économique et début mai, les élus d'une coalition de gauche, le Front Populaire, remportent les législatives. Mais alors que le gouvernement de Léon Blum n'est pas encore constitué, des grèves éclatent partout en France. La grève qui s'est étendue à de nombreux corps de métier donne à Paris un aspect inattendu. Entre mai et juin 1936, 2 millions de grévistes sont dans la rue. Toute la France ouvrière est au ralenti. Et pour la première fois dans le pays, des grévistes occupent des usines. Début juin, chose inédite, représentants du personnel et du patronat se retrouvent autour d'une table et négocient sous la houlette du gouvernement. Les salaires étaient bas. Nous sommes allés à Matignon présenter des fiches de paye au patron dont il ne se vantait pas. Il trouvait simplement redire qu'ils ignoraient cela. Les discussions ont été très difficiles. Non, pas difficiles du tout. Ces conversations se sont déroulées dans un climat très courtois. 7 juin 1936, signature des accords de Matignon, les avancées sociales sont exceptionnelles. Bien résumé dans cette reconstitution de l'époque. Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Les journées de grève seront payées intégralement. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers, les 40 heures, 15 jours de congés payés pour tout le monde. Mais au printemps 1938, le Front Populaire se disloque. Le nouveau gouvernement supprime plusieurs acquis. Des milliers de syndicalistes sont licenciés. C'est la fin d'une échappée belle. Je me présente, je m'appelle Macron. J'ai la tête plus grosse qu'un ballon. Un ballon. Je voulais être président. Pour pouvoir gagner plein d'argent, les Rothschild m'ont donné de l'élan. Ces beaux parleurs, grands maîtres chanteurs, j'ai trouvé tous mes supporters. Sanofi est en tête de ma liste, les ministres seront mes complices, et nous dansons dans les soirées de l'Élysée. Et partout dans la rue, je veux qu'on me prenne pour le roi. Malgré tous mes abus, vous n'aurez pas le choix. Je ferai passer des lois du grand n'importe quoi. Et je taxerai les vieux, je m'occuperai de leur retraite. Je me fous de ces gueux qui me prennent la tête. Tous ces gilets jaunes balayés au flashball. Puis après, je fais le pacha. Mon premier ministre se prosternera devant moi. Quand il faudra aborder la santé, qui demande toujours trop de gros budgets. Mais pour tout ça, je sais comment les embrouiller. Et partout dans la rue, je comprends pour le roi. Malgré tous mes abus, vous n'aurez pas le choix. Je ferai passer de loi du grand n'importe quoi. Et le virus s'est pointé, je l'ai pas vu venir. Les voisins frontaliers m'avaient pourtant prévenu. J'ai pas parti de la bande à Raoult. J'ai des actions chez Pasteur. Et puis tout s'est enchaîné. Et pour les masques, je sais plus les paroles, après j'en ai tellement. Ouais, c'est pas mal. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Il fonctionne sans combustion et n'émet pas de CO2. Ce moteur est une roue thermogravitationnelle, un prototype conçu et inventé par Jean-Michel Gervais, habitant de Morsinx et professeur de génie thermique. Ces bouteilles contiennent un peu d'eau, de l'air et de l'aluminium, un système qui utilise le rayonnement solaire pour faire tourner l'axe du moteur. Le principe, c'est de chauffer l'air d'un côté, l'eau va diminuer, elle va descendre, hein, le gaz va se dilater, ça fera moins de poids sur ma bouteille, et cette différence de poids va engendrer effectivement une force sur cet axe. C'est dans cette pièce qui lui sert d'atelier que Jean-Pierre a développé son prototype, à l'aide de matériaux de récupération. C'était une volonté dès le départ de trouver des matériaux vraiment les plus simples possibles, avec des fluides comme l'eau, l'air, et ce qu'on trouve le plus, qui sera plus facile, accessible d'ici 30 ou 40 ans pour construire ces moteurs thermiques. Après 5 ans d'essais et de recherche, ce passionné de thermodynamique est parvenu à mettre au point ce moteur sans combustion. Bien qu'elle ne soit pas destinée à équiper des véhicules, cette invention suscite déjà un certain intérêt. J'ai déjà des contacts hein, qui seraient très intéressés par un peu... pour produire de la spiruline. Donc il y a des fabricants qui auront besoin de cette roue-là pour brasser leur bassin d'eau hein, d'une façon écologique pour pouvoir améliorer leur production. Un brevet a déjà été déposé. Prochaine étape pour cet inventeur, obtenir un soutien scientifique et financier pour développer à plus grande échelle ce moteur sans combustion. L'orage. Des nuages chargés en pluie. Un spectacle électrique. Lors de conditions orageuses, les avions, généralement, évitent de voler. Pas aujourd'hui. Sur la base aérienne de Solenzara, en Corse, un chasseur s'apprête à décoller. Ce n'est pas un avion militaire, mais scientifique. Et il part à l'assaut d'un orage, et plus particulièrement des éclairs qui seront produits. Ce Falcon 20 part enregistrer l'activité de l'orage. Il mesura la dynamique des particules au sein du nuage, sa microphysique, mais aussi d'autres phénomènes, électriques notamment, grâce à une batterie d'instruments embarqués. Des capteurs qui sont sensibles aux éclairs, mais aussi à la microphysique nuageuse, grâce aux sondes de microphysique. Et aussi un radar de nuage, un radar qui donnera un profil vertical de la composition du nuage, et aussi des vents au sein du nuage. On a aussi quelques détecteurs de particules à haute énergie qui nous permettent de mesurer donc, le rayonnement de particules dans le nuage d'orage. Si la recherche scientifique a déjà permis d'énormes progrès dans le domaine des prévisions météorologiques, en ce qui concerne la compréhension des orages et leurs éclairs, il reste encore de nombreuses questions sans réponse. Quelles sont les conditions au sein du nuage qui vont déclencher un éclair? Pourquoi est-ce que certains de ces éclairs peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres? Le projet de recherche Hexaèdre a été monté pour apporter un éclairage sur ces étonnants phénomènes météorologiques, source de beauté, certes, mais aussi parfois de dégâts matériels. L'équipe se repose notamment sur les capacités du Falcon 20 de Saphir, le service des avions français instrumenté pour la recherche en environnement qui assure le fonctionnement d'une flotte d'avions au service de la science. C'est un avion qu'on a percé pour mettre des hublots sur le toit, sur le plancher. Un avion sur lequel on a rajouté une perche, on a rajouté des capacités d'emport sous les ailes. Et finalement, tout ça pour permettre de le transformer en laboratoire volant et d'embarquer du matériel de laboratoire. Contrairement à un avion de ligne qui se pilote de l'avant, un avion scientifique, ça se pilote de l'arrière et de l'avant. C'est-à-dire que c'est la somme de toutes les informations qui vont circuler sur le téléphone de bord. Tout le monde parle sur un même réseau. Donc ça demande une petite discipline, sachant que c'est un avion qui vole vite. Et donc, pour donner un ordre d'idée, en une minute, on a fait 12 kilomètres. Et donc, si on met une minute à élaborer une solution, on la met en œuvre 12 km plus loin. Avant que l'avion ne puisse prendre son envol, il faut vérifier les conditions météorologiques. Deux points météo sont faits chaque jour avec les ingénieurs de Météo France. S'il y a un risque d'orage, pour une fois, c'est bon signe. L'équipe de chercheurs discute alors avec les pilotes et les météorologues pour établir une stratégie de vol permettant de récolter les meilleures données possibles. Puis également de votre côté, votre sentiment sur l'activité électrique, à savoir si c'est une activité électrique dans laquelle vous acceptez qu'on passe, compte tenu des risques de foudroiement, ou au contraire, vous préférez qu'on l'évite. Et de la même façon, ça nous permettra d'orienter la stratégie, enfin la tactique du vol en temps réel. L'équipe de Saphir prépare ensuite l'avion et s'assure que tous les appareils scientifiques sont bien opérationnels. Lorsque le top départ est donné, c'est une course contre la montre qui s'engage pour être sûr de ne pas rater ces précieux éclairs. Donc finalement, on décolle, si le vent le permet, dès que tout le monde est prêt. Depuis le poste de contrôle, les scientifiques suivent l'avion sur leurs écrans et réajustent avec les pilotes les trajectoires de l'appareil en fonction de l'évolution des orages. Pour avoir l'image la plus fidèle possible de la cellule orageuse, les scientifiques complètent leur observation avec d'autres instruments au sol. Une base de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, a été équipée d'une station météo, de radar et d'un laser spécial qui scrute l'atmosphère. Il s'appuie également sur un réseau d'antennes appelé SAETA, c'est le mot éclair en langue corse. 12 de ces antennes ont été installées sur l'île, du niveau de la mer jusqu'au sommet des montagnes. Il y a 12 stations comme celle-là. Et c'est... Bon, le boîtier électronique, ça fait très compliqué, l'installation, etc. Mais c'est quelque chose d'ultra simple, en fait. C'est comme un petit poste de radio avec son petite antenne qui détecte les orages, ça part le grésillement. Mais ça fait pareil, sauf qu'ici, on a une antenne GPS qui permet des datations super précises de tous les signaux. Donc les 12 antennes enregistrent des pics qui sont liés aux émissions électromagnétiques des processus d'éclairs. Et comme ils sont très très bien datés, ben, on arrive à faire de la reconstruction en trois dimensions. Si une campagne d'observation aussi ambitieuse qu'Hexaèdre a pu être mise en place, c'est aussi parce que les orages violents ont un impact direct sur nos sociétés. Il y a des études qui ont montré que on s'attend à des orages de plus en plus violents, mais moins présents, en termes d'occurrence. Et donc cette possibilité, et c'est un peu l'un des objectifs qui est derrière le projet Exaèdre, c'est de commencer à réfléchir à comment on peut utiliser la donnée d'éclair pour aider à mieux suivre cette évolution du climat, en fait. Après la tempête, viendra le calme de l'analyse des données. Une période qui durera des mois, voire des années, mais qui permettra de donner du sens à toutes les observations de la campagne Exaèdre et ainsi de mieux comprendre ces phénomènes parmi les plus spectaculaires de la nature. C'est au moins aussi incroyable que de changer le plomb en or. L'homme est désormais capable de fabriquer du pétrole. Des chercheurs français et espagnols ont trouvé la formule miracle en recyclant nos rejets de CO2. C'est une révolution énergétique et écologique qui est déjà en marche en Espagne, où se sont rendus Christine Chapelle et Jean-François Drouillet. Regardez leur reportage. Dans cette forêt de tubes est en train de naître le carburant de demain. On y reproduit en 48 heures ce que la nature a mis des dizaines de millions d'années à faire. Fabriquer du pétrole. Ce sont des cultures de micro-algues extrêmement concentrées. Dans un millilitre, pratiquement une goutte d'eau, on arrive à avoir 500 millions d'algues. Ce sont des algues de 2 à 4 microns. Pour nourrir ces végétaux, il faut de la lumière, bien sûr, c'est la photosynthèse, et du gaz carbonique, du CO2. Et c'est là qu'est le génie de l'histoire. Ce CO2, on le récupère directement via un pipeline de la cimenterie voisine. Gavées de gaz carbonique, les algues se multiplient. Ce super concentré végétal sera ensuite filtré pour en retirer l'eau et les oméga-3. Puis la pâte obtenue sera transformée par craquage à haute température et haute pression en pétrole artificiel. L'objectif à terme de cette usine, sur une superficie de 40 hectares, nous absorberons 450 000 tonnes de CO2 par an. Nous obtiendrons 230 000 barils de pétrole et à peu près 3000 tonnes d'oméga-3 principalement. L'ingénieur à l'origine du projet, c'est lui, Bernard Stroyadzo-Mougin. Sensibilisé il y a 5 ans aux effets des gaz à effet de serre, il se souvient alors que la recette du pétrole fossile, c'est l'interaction de gaz carbonique et de végétaux. Il contacte un chercheur de l'université d'Alicante, spécialisé dans les micro-algues. Je lui ai montré mon schéma et je lui ai dit voilà mon idée. Et lui, immédiatement, sa réaction était mince, comment on n'y a pas pensé avant ? Et ce pétrole artificiel, ce pétrole bleu, c'est la marque déposée, fonctionne comme un hydrocarbure classique. Démonstration. Quand on a démarré il y a 5 ans, personne n'y croyait. Et actuellement, tous les grands, jusqu'à Exxon, le numéro 1 du pétrole dans le monde, veulent investir dans la culture des algues. On peut désormais rêver d'un avenir où chaque usine dégageant du CO2 sera couplée à ces cultures d'algues. Plus de rejets polluants dans l'atmosphère, plus de pénurie énergétique. Les terriens y gagneront sur les deux tableaux. Voilà un reportage sur une technologie vraiment extraordinaire que vous pouvez retrouver sur notre site tf1news.fr.

Ah ben oui, ils ont peut-être voté pour Pétain si on leur avait demandé de voter. Hein? Ah oui. Mais pas tous, bien sûr. Il y a eu des résistants aussi, français. Ben oui, quand même. Ce groupe de résistants étrangers, proche du Parti communiste français, était composé d'une soixantaine d'hommes et de femmes, des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, FTP MOI. Alors, voilà. Arrêt de travail, les généralistes opposés au contrôle de la Sécu. Le nombre d'arrêts maladie a augmenté en 2022. Les contrôles devraient être renforcés dès la rentrée de septembre. Une pression dénoncée par le syndicat MG, Médecine Générale France, qui estime que seuls les généralistes sont dans le collimateur de l'assurance maladie. Alors l'assurance maladie, on pourrait peut-être, en cherchant un peu dans les écrits, dans les journaux, dans les lieux d'information, trouver que ça s'appelle aussi normalement sécurité sociale, hein, et puis que tout ça, ce n'est pas financé par les impôts, c'est financé par les cotisations des assurés sociaux. Alors autre chose, on passe d'un sujet à un autre, hein. Près de 200 tatoueurs sont présents dans les allées à Épinal. Tattoo show, what is it? Can you speak French, please? Tout au long de la journée, les tatoueurs travaillent sur des volontaires, venus parfois de loin. Voilà. Et bon, on en restera là, hein. Aïe. Quelle décadence. Nancy, virée d'un cabinet d'avocats, la secrétaire indemnisée, 10 ans après. Une secrétaire de cabinet d'avocat de Metz a été virée alors qu'elle était en maladie. Elle a contesté son licenciement. Elle a alors été victime d'une erreur de son avocat et a dû l'attaquer. Conséquence, elle a quand même réussi à être indemnisée, mais au bout de 10 ans de combat judiciaire. Elle est belle, la justice. Elle est belle, la France. Ah oui, la démocratie, c'est bien quand ça fonctionne bien. Pourquoi l'intelligence artificielle fait-elle peur? Ah bon, elle fait peur à qui? Un nombre croissant d'experts mettent en garde contre les risques de la prolifération d'intelligence artificielle de plus en plus perfectionnée ferait peser sur l'humanité. L'intelligence artificielle veut-elle notre peau? Point d'interrogation. Probablement pas, mais il serait prudent d'envisager cette possibilité. C'est l'avertissement que viennent de lancer plus de 400 experts qui invitent à faire de la réduction des risques d'extinction de l'humanité en raison de l'intelligence artificielle. Alors les experts, eh oui, ils ont des raisons de craindre l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, il y a le mot intelligence, hein, mais qui est accompagné du mot artificiel. Ce mot artificiel, là, c'est assez négatif quand même, hein, artificiel, oui. Mais il reste quand même le mot intelligence. Hein. Et ça, l'intelligence artificielle pourrait faire du tort. Eh oui, comme les robots ont fait du tort aux ouvriers spécialisés dans les usines, hein, les robots ont remplacé les humains. Pour un certain nombre de tâches particulièrement pénibles, dangereuses, répétitives, peu intéressantes, etc. Et l'intelligence artificielle pourrait très bien remplacer certains humains. Oui, des députés, des sénateurs, des présidents de la République, des ministres, des comptables, des experts en ceci, des experts en cela. Oui. Eh oui, et le danger est pas forcément du côté qu'on voudrait faire supposer qu'il arrivera. De la recherche médicale au trafic routier, des innovations dans tous les domaines. Si l'intelligence artificielle fait peur à certains, force est de constater que l'intelligence artificielle est au cœur d'un nombre incalculable d'innovations. Automatisation des tâches, capacité de calcul inégalée, analyse prédictive, bien utilisée, l'intelligence artificielle. L'intelligence intellectuelle permet des avancées considérables dans bien des domaines, à commencer par la recherche médicale. à commencer par la recherche médicale. Grâce à l'intelligence artificielle, les scientifiques ont fait un bond en avant dans l'analyse du génome. Elle aide les médecins à établir des diagnostics plus rapides et plus précis, par exemple dans la détection des tumeurs cancéreuses. Alors l'Institut Curie, le centre de recherche, a entre autres mis au point une intelligence artificielle capable de détecter l'origine d'un cancer, lutte contre le changement climatique. Alors, détecter l'origine d'un cancer, ça peut être utile pour faire de la prévention, hein, et puis ensuite avoir des méthodes curatives plus efficaces, moins tout ça, hein. Lutte contre le changement climatique. L'intelligence artificielle permet également le développement d'une médecine personnalisée. En adaptant les traitements à chaque malade, la machine étant capable d'analyser les données génétiques des patients et prédire leur réponse à certains traitements. Bon. Janine, depuis toujours, cette ancienne de 91 ans ne manque aucune occasion de manifester. Pour défendre les retraites, cette militante fidèle à la CGT y a trouvé une philosophie de vie. Janine, 91 ans, de l'EHPAD à la manif. Eh oui, il y a des gens courageux dans toutes les tranches de la société. Hein? Eh oui. Alors, autre chose, des choses découpées. Les Celtes avaient une charmante coutume dont il faudrait peut-être s'inspirer. Après une mauvaise récolte, un incendie, une épidémie ou toute autre calamité, qu'est-ce qu'ils faisaient les Celtes? Eh bien, ils sacrifiaient leur chef. Et c'était pas l'intelligence artificielle, hein. Les Celtes étaient une grande civilisation, dit le commentateur. Un robot envoyé sur Mars pour savoir s'il y a de l'eau. Les enfants du Sahel attendent les résultats avec impatience. Le concept, entre guillemets, d'islamo-gauchiste, fermons les guillemets, est d'une efficacité descriptive rare. 100% du temps, celui qui l'emploie est un sinistre abruti. Et c'est signé, Albert Jacquard. Il faut rebâtir complètement une société humaine où la compétition sera finalement éliminée. Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, j'ai à être plus fort que moi grâce à l'autre. Signature, encore Albert Jacquard. Des journaux, tiens. Paris Soir, débarrassons l'université de l'emprise judéo-maçonnique. Voilà, un autre journal. Le Figaro, comment l'islamo-gauchisme gangrène les universités. Alors, près de 80 ans séparent ces deux unes de journal. Paris Soir, en 1940, l'emprise judéo-maçonnique. Le Figaro, en 2021, islamo-gauchisme. Voilà, hein, on est bien servi. On paye des abonnements pour être informé, pas transformé, pas déformé. Le fascisme, Mussolini, Franco, Hitler, d'azisme, franquisme, pétainisme, Pétain, etc. La pire catastrophe pour la délation, pour l'humanité. La délation systématique. Une guerre mondiale avec 70 millions de morts, des camps de concentration, d'extermination, la banalisation de la torture, les mutilations, les millions de déportés, d'émigrés. Il faut tout faire pour éviter cela. Alors on a créé l'ONU. Il y a quelques dizaines d'années. Comment est-ce qu'on s'en sert de l'ONU? Hein, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, si l'ONU jouait vraiment son rôle, ça serait quand même mieux. Les prolétaires défendent donc vigoureusement les services publics contre les campagnes systématiques de la presse bourgeoise. Signé Jean Jaurès, 1911. Alors, les centrales nucléaires, le génocide prévisible. Alors des centrales nucléaires, Fessenheim, Katnum, Chose, Penly, Paluel, Flamanville, Chinon, Civaux, Blayé, Golfech, Tricastin, Cruas, Saint-Alban, Belleville, Dampierre, Saint-Laurent, voilà. Hein. La France est championne du monde dans la connerie nucléaire. Eh oui, elle sera la championne du monde aussi dans la désertification, dans la dépopulation. Eh oui, parce que le nucléaire, quand ça tue vraiment. Ça tue beaucoup, massivement. Une batterie de voiture électrique pèse environ 450 kg. Pour la fabriquer, il faut creuser, déplacer et traiter 225 tonnes de matières premières, dont du cobalt et du lithium. Conduire une voiture électrique ne sauvera pas la planète. L'usine de soupe Knorr en Alsace ferme. 261 salariés sont sur le carreau. Elle appartient au groupe Unilever qui en 2020 a dégagé 5,6 milliards de bénéfices pour 50,7 milliards de chiffre d'affaires, soit 10% de marge nette. Entre 2015 et 2020, l'usine a remonté 140 millions d'euros de bénéfices nets. 140 millions d'euros de bénéfices nets. En résumé, Moderna vend un produit financé par de l'argent public, revendu aux États au prix fort, pour des profits énormes qui vont se retrouver en grande partie dans les paradis fiscaux. Vaccin anti-quoi ? Plus de 85% des travailleurs islandais sont passés à la semaine de 4 jours, avec une hausse de productivité et sans baisse de salaire. C'est succès écrasant, selon les chercheurs. L'étranger. Ton Christ est juif. Ton scooter est japonais. Ta pizza est italienne. Ton couscous est algérien. Ta démocratie est grecque. Ton café est brésilien. Ta montre est suisse. Ta chemise est hawaïenne. Ton baladeur est coréen. Tes vacances sont turques, tunisiennes ou marocaines. Tes chiffres sont arabes. Ton écriture est latine. Tes frites sont belges. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. L'appel du 18 juin 1940 dans les mémoires. Le 18 juin 1940, après la demande d'armistice adressée par Pétain aux Allemands, le 17 juin 1940, le général de Gaulle, quasiment inconnu à l'époque, lance un appel depuis la radio de Londres. Oh, inconnu. Vite dit, quand même. Jean-Luc Mélenchon propose de bloquer les pompages de Nestlé. Vittel doit arrêter de pomper de la flotte dans la nappe phréatique, estime Jean-Luc Mélenchon. Fissure à Katnum, il y a un an, les premiers soupçons. La centrale de Katnum n'en a pas encore fini avec ses tuyauteries. Après une année passée à traquer les signaux de corrosion sous contrainte au niveau des circuits d'injection de sécurité des réacteurs, voilà que d'autres éléments mettent l'industrie nucléaire à l'épreuve. Toutes les tuyauteries suspectes ont été changées, mais le périmètre des contrôles est aujourd'hui élargi. Voilà. Un concours insolite, oh là là là là, de lancer de pelles, P-E-2-L-E-S, pour l'appel, L'A-A-2-P-E-L, du 18 juin. Hein? Lancer de pelles. Ah oui, l'appel du 18 juin. Oh là là là, oh là là. Les journalistes, parfois. Budget, le gouvernement part à la chasse aux milliards. Le français est un bon contribuable. Les marchés financiers le savent. Lundi 19 juin 2023, Vosges matin. Une dette plus élevée que la richesse nationale à 112% du PIB. C'est grave, point d'interrogation. Il y a déjà eu des périodes de dette très élevées, notamment au sortir des guerres. Et le Covid a eu un impact économique comparable à celui d'une guerre. Il faut souligner aussi que la France n'a jamais fait défaut. Le français est un bon contribuable. Les marchés financiers le savent. Oui. C'est, on est informé, hein, on paye un abonnement pour être informé. Un bisontin, lauréat national des Olympiades de la chimie. En terminale au lycée Pasteur de Besançon, Léo Verju, 18 ans, l'a emporté face à 36 finalistes sur 2800 concurrents lors de la 39e édition de la compétition scientifique. Alors, moi, j'avais préparé un petit truc, Historia spécial numéro 382 bis, sur les sectes. Alors, on se contentera des titres de la première page. Les sectes et leurs prophètes, pour essayer d'y voir clair. Sectes d'origine chrétienne. Alors, les pentecôtistes, Jésus revient, Jésus guérit. Les antonistes, le mal n'existe pas. Les adventistes, préparer le retour du Christ. Les chrétiens scientistes. Les témoins de Jéhovah, les amis de l'homme, les mormons, le Christ de Montfavet, les amish, les enfants de Dieu, les trois saints cœurs et les frères Melchior, Moon, l'église de Scientologie. Alors il y a aussi des sectes orientales, les dévots de Krishna, Maharajaji, le gourou de la lumière divine, et puis des sectes aberrantes, les adorateurs de l'oignon, les adorateurs de serpents, l'ange cyclamène, les adorateurs du nombril au castrateur, pourquoi aujourd'hui, etc. Il y en a comme 120 pages.